cet endroit, le stationnement se fait en épi. Les véhicules qui arrivent en face et qui veulent se garer sur leur gauche, s'ils en ont la possibilité parce que la municipalité en a décidé ainsi, ont tout intérêt à se garer en marche avant, même si ce n'est pas idéal pour repartir. En revanche, dans mon sens de circulation, ce type d'emplacement permet uniquement un stationnement en marche arrière. Pour prendre la place qui se libère, je m'arrête logiquement avant la voiture bleue qui, si j'en juge par l'inclinaison de ses roues, a l'intention de partir sur sa droite. Réponse A.